vas-tu? Bien, bien, bien. Et toi? Ouais, ça va. On t'entend pas bien. Mets-toi bien devant ton micro. Est-ce que vous me voyez ou pas? Non. Non. On va juste brancher la caméra. Enfin, appuyer sur peut-être le petit bouton caméra. On va voir. Ah, ça y voilà, est. Ça y est. Salut. Ouais, bravo. Vive la technique. Ouais, c'est bien. Ben, quand ça marche, c'est super. Quand ça marche pas, alors effectivement, c'est un peu galère. Ça, par contre, au niveau du son, Claude, moi, j'en ai plein les oreilles. Là. Bon, alors, je vais baisser un peu. Mais attends, est-ce que Rodrigue, qu'est-ce qu'il en pense, lui? En effet, je t'entends bien, Philippe. Oui. Et Claude, un peu moins. Ah, tu m'entends moins? Ben, c'est normal, je parlais pas. Et là, est-ce que tu m'entends bien? Non, non, c'est parfait comme ça. C'est bien, c'est bien. Voilà. Est-ce que je peux faire... Je vais descendre un peu mes haut-parleurs, là. Voilà, ça va déjà mieux. Parce que ça hurlait dans mes oreilles. Ah, d'accord. Ouh. Ah, je te vois bien, Rodrigue. Je suis content parce que je vois bien ton lambris magnifique. Hein? T'es dans la soupente de ton chalet. C'est bien, c'est bien. Par contre, on sent qu'à Strasbourg, il y a un peu moins de réseau. Hein. Ah, il y a moins de réseau? Ça veut dire quoi? T'es plus flou. Ah bon? Ah oui, oui. Moi, en tout cas, je vous ai bien. Il y a juste le fond de Claude avec ses robots qui est un peu pas évident à saisir. Mais enfin, c'est toi qu'on regarde, c'est pas le fond, quoi. Bah exactement. Exactement. Philippe, est-ce que tu es de retour à Strasbourg ou pas? Ah oui. Bah, déjà, la fois dernière, j'y étais, il me semble, non? Ah. Je me souviens pas. Ah non, non, non, tu n'y étais pas. La fois dernière... Qu'est-ce que je suis revenu, moi? Ah non, non, c'est vrai, je suis revenu. Tu n'y étais pas. Oui, parce que, en fait, le week-end dernier, je suis passé chez mes beaux-parents pour revoir. Et là, c'est Sylvie qui est partie pour 2 jours, justement, voir ses parents, la mère est repassée à l'hôpital parce qu'il y a des sondes qui se sont débranchées, enfin bref. Ça commence à devenir sacrément casse-pied, quoi, voilà. Et alors, quand on dit bravo la technique, ben là, en l'occurrence, c'est pas ça. Hein. Bon. Enfin, elle n'est pas encore partie, elle a cours. Dès qu'elle a fini ses cours, en fait, elle fonce à la gare. Donc, juste avant, là, j'étais en train de préparer son pique-nique. Bon. Et dis-moi, Philippe, tu nous disais que tu serais plus disponible à partir du 16? Alors, en fait, le 16, je retourne à Clisson chercher ma fille et sa deux petits pour les ramener sur Strasbourg le lendemain, le 17. Donc, en fait, ça fait 2 jours qu'ils sont dans les transports, les bagages et tout ça. Quoi. D'accord. Donc déjà, ces 2 jours-là, c'est mort, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des petites chaises pour dans la voiture? On est déjà dans un carré dans le train. Normalement, son mari devait venir avec elle, mais en fait, il n'a pas réussi à avoir ses 2 derniers jours de congé. Donc, il arrivera, mais avec 2 jours de retard. Voilà. Ah, après. Wow. Formidable. Bon. Donc, Noël en famille. Voilà, ça c'est bien. Oui. Ça c'est bien. Alors, on est censé descendre normalement sur au bord du lac Léman, à Mestrie, là. Et on attend les déclarations de ce soir, là, de Maître Castex, pour savoir si on va être coincé ou pas. Non, normalement, t'es pas coincé. Oui, normalement, il devrait ouvrir. Alors, c'est la connexion interrégion. Si celle-là, en fait, n'est pas rétablie, on est un peu embêté. Ah oui, c'est le Léman Express. Bon. Alors, est-ce que vous avez tous bien travaillé pour cheminer vers le jardin merveilleux? Ça va le maître? Ça va le maître. Non, non, mais il n'y a pas de maître. Ni d'élève. Il est de tradition que c'est celui qui a proposé le sujet qui entame. Oui. Qui entame. Ah. Alors, est-ce que Rodrigue, tu es prêt? Je suis prêt, tout est prêt. Tout est prêt. Bon. Mais tu sais, il y a des fois où, en fait, on est arrivé, même avec Claude, où on n'avait absolument rien préparé. C'est-à-dire qu'on avait très très peu, on n'avait pas pu en fait se dégager du temps pour pouvoir travailler un peu ça. Donc, il ne faut pas avoir honte de ne pas avoir eu le temps de. Voilà. Ah, Je vais vous présenter deux, trois choses qui peut-être vont vous faire réfléchir, si vous êtes d'accord. Eh bien, alors, on est là pour ça. Hein. Un préalable, il faut absolument qu'à 16h15, je lève l'ancre. Voilà, oui. pour accompagner Sylvie et tout ça, parce qu'elle va être chargée, tout le bazar, donc il faut que je l'accompagne à la gare. Donc 16h15, on a une heure et quart. Ouais. Et Philippe, moi, bêtement, j'ai une conférence téléphonique à 16h. Eh bien voilà, comme ça, c'est clair. Oui. Alors 16h15, mais... Alors 16h. Ah, ok. On vise 16h, on sera probablement en retard, ça sera 16h05. Et de toute façon, comme tu passes en premier, hein, tu peux... Alors, Allez, vas-y. Alors, revenons sur la semaine dernière, sur le chemin vers le jardin merveilleux, si j'ose dire. Oui. Il y a ce côté dynamique où on se déplace, et il y a l'objectif du jardin merveilleux qui peut aussi être dynamique, évidemment, mais ensuite, bon, vous me corrigez, hein, mais j'ai beaucoup réfléchi sur ce trajet à faire, sur cet itinéraire à faire, et en fait, je me suis dit, pour arriver au jardin merveilleux, on a déjà fait, durant notre vie, une bonne partie du parcours pour... finalement, finaliser ce parcours en pleine sérénité, débarrasser de ceci, de cela, peut-être de son travail, enfin tout ce qui perturbe. Et pour en arriver où nous en sommes, je me suis dit, mais on a déjà dû passer par toute une vie avec tout ce genre d'expérience. Pour en arriver là, pour faire ce dernier bout de chemin, mais d'une façon beaucoup plus sereine, si j'ose dire. Serein. Et ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu, que je vais vous montrer ici à l'écran. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Peut-être que vous le connaissez. Non. Le récit d'un pèlerin russe. Le récit d'un pèlerin russe. On ne sait pas qui est l'auteur. C'est un petit livre magnifique. Et je voudrais bien vous envoyer ce petit livre pour voir ce que vous en pensez. Mm-hmm. C'est un pèlerin qui bouge en Russie, mais le lieu n'est pas très important, puis ça ressemble au chemin vers le jardin merveilleux. Mais c'est un pèlerin qui voyage, qui vit des choses, c'est comme si c'est sa vie. Mais il y a quelque chose de très particulier dans dans la religion, je dirais, plutôt orthodoxe, c'est qu'en marchant, puisqu'il n'y avait évidemment pas de voiture, et pour se déplacer, il fallait souvent tout faire à pied, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'ésigasme. L'ésigasme. Et l'ésigasme, c'est en fait qu'on répète chaque fois, d'une façon standard, la phrase suivante: Seigneur Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Et en marchant, on s'imprègne donc de cette phrase. Et comme on aimerait être à l'image de Dieu, on va droit au but et on répète tout le temps cette phrase. L'ésigasme, ça s'écrit H-E accent aigu, S-Y-C-H-A-S-M-E. C'est bien noté. Ça parle un peu de la Russie, ici, là, de la Moldavie, où il passe. Mais en fait, il n'a pas vraiment un objectif très clair comme nous avons le jardin merveilleux d'une certaine façon. Il répète cette phrase où il témoigne son désir d'être un lien direct avec le Seigneur. Et ils s'imprègnent tellement de cela que ça devient un automatisme. Et c'est comme ça le dépouille et ça le purifie. Mais il vaut mieux lire ce petit livre qui est en fait un petit livre sans fin, mais qui est très très bien fait. Donc écrit par quelqu'un de totalement inconnu durant le 19e siècle et qui a été repris. C'est pas du tout, c'est très très peu lié à la religion orthodoxe. C'est beaucoup plus un itinéraire de vie pour qui ressemble à mon avis un petit peu à ce que nous sommes en train de discuter au sujet du jardin merveilleux. Mais si vous êtes d'accord, je vais vous l'envoyer, ce petit livre. C'est un petit livre tout simple de même pas 200 pages, 180 pages. Mmh. Et c'est des grandes lettres, c'est un petit livre très très facile à lire. Mais je suis convaincu, après vous avoir écouté, Claude et Philippe, que ça va vous parler, qu'il y a des éléments là-dedans qui vont inspirer. Ce n'est pas mon objectif de vous imprégner avec quoi que ce soit, mais il y a des éléments qui me font beaucoup penser au parcours que vous avez déjà fait, vous deux. Voilà. Ça, c'est ma contribution. Et évidemment, j'ai beaucoup réfléchi, relu. Et Claude, je te remercie beaucoup pour ce podcast que tu as envoyé la dernière fois. Je ne te cache pas, ça fait beaucoup réfléchir. Ça, c'est l'objectif. Ça facilite énormément, en ce qui me concerne, ma transition vers un nouveau chemin, vers le jardin merveilleux. Voilà. Merci beaucoup. Mais évidemment, on ne recherche pas à devenir ascète ou de se retirer dans le désert ou des choses comme ça. Ce n'est pas l'objectif de devenir père du désert. On vit dans un monde qui est bien différent de cette époque-là. Mais ceci, c'est quelque chose de beaucoup plus pratique, concret, dont je suis sûr que ça va vous inspirer. Mais moi, je suis beaucoup plus intéressé à ce que vous avez à dire que de ce que moi, je raconte comme salade. Là. Comme salade. Voyons. Enfin, non. J'ai été très inspiré depuis longtemps par ce petit livre. C'est très pur, puisque ça ne parle pas du tout de l'Église ceci, de la religion telle et telle. Ça va droit au but, vers le Christ. Et c'est très beau. C'est presque philosophique aussi, un peu. Et ça fait beaucoup réfléchir. J'ai encore un ou deux autres livres que je pourrais vous recommander, mais il y a comme ça un moine qui a été au Mont Athos, qui a été interviewé par un autre moine et qui était le grand spirituel du Mont Athos. C'était au début du siècle dernier qu'il vivait. Et c'est un très très beau livre aussi qui va droit au but, qui ne parle pas de tout ce qui nous entoure et toutes ces pensées, et qui est un livre très très très très très très inspirant. Ça s'appelle le Starets Siluan. Starets, c'est un genre de un super moine ou comme ça, un moine avec autorité. Starets Siluan, et c'est un moine du Mont Athos, sophronie, qui a mis sur papier tout ce qu'il a raconté, ce grand moine Siluan. Mais là, on entre un peu plus dans des aspects théologiques qui vont peut-être un peu loin, mais c'est un livre absolument magnifique que je voudrais peut-être vous recommander aussi. Mais ça viendra. Oui. Chaque chose en son temps. Surtout si on se retrouve en fait toutes les semaines, ça va être dur de lire tous les livres. Ah oui, oui. Non, c'est bien. Tu as mon adresse, mais est-ce que tu as l'adresse de Claude pour envoyer, si tu veux envoyer ? Il me semble que Claude, tu as laissé ton adresse sur un des mails que tu m'as envoyé, mais je dois vérifier. Tout à fait. Mais peut-être, Claude, si tu peux l'envoyer pour toute sécurité. D'accord. Attends, je l'ai ici. Je peux vérifier. Ah non, j'ai seulement ton numéro de téléphone. Bon, je vais te mettre un mail. Je te mettrai un mail en même temps que le lien vers le podcast. Comme ça, tu auras tout. Eh ben ouais. Oh, merci beaucoup. Alors, Claude, est-ce que tu veux prendre la suite ou est-ce que tu as des questions déjà ? Moi, je n'ai pas de questions. Je trouve intéressant la démarche de Roderick. Je voudrais simplement préciser qu'à mon sens, l'hésychasme, pour avoir un peu réfléchi à cette question-là, mais il y a bon nombre d'années, l'hésychasme, c'était dans le culte orthodoxe. Vous voyez, l'autel du prêtre, et derrière l'autel du prêtre, il y a un mur d'images avec la Vierge, avec le Christ, etc., etc. Et pour moi, c'était ce mur que franchissait le prêtre pour venir dans l'église et pour repartir, parce que derrière ce mur, il y a... j'ai un peu oublié tout ça, mais pour moi, l'hésychasme, c'était un mur d'images que devait dépasser le prêtre pour rejoindre ses ouailles ou repartir vers son jardin merveilleux. Vers son jardin merveilleux. Voilà. Pour moi, c'était ça. Mais je pense que je vais regarder un petit peu plus loin ce que c'est que l'hésychasme dont nous parle Roderick. Mais est-ce que c'est pas... quand on parle d'images, les images dans l'orthodoxie, ce sont très souvent les icônes. Oui, c'est les icônes. C'est un mur d'icônes. C'est le mur d'icônes qui est derrière l'autel. Entre l'autel et... Oui, derrière l'autel. Voilà. Pour moi, c'était ça, les icônes. Mais on va retravailler ça, parce que je trouve que la démarche est intéressante. Alors, je vais vous délivrer mon propos. C'est plus des notes, moi, que j'ai pris dans des réflexions que je vous ai déjà faites à l'un comme à l'autre, peut-être la dernière fois et puis peut-être les fois d'avant, pour parler un petit peu de ce cheminement vers notre jardin merveilleux. Ce cheminement, moi je voudrais plutôt le définir comme un état dans lequel, un état spirituel dans lequel on doit être pour cheminer de bonne façon. Ça va, Roderick ? T'as des soucis ? Excuse-moi, j'arrive. Je débranche ce téléphone. Voilà, excuse. T'es pas obligé d'arracher le fil, hein ? Oui, j'ai tiré la prise. Bon. Alors, je reprends. Je vais vous délivrer quelques réflexions que je me suis faites de plusieurs façons, mais toutes ces réflexions, elles ne concernent pas forcément le cheminement, mais le pèlerin et l'état d'esprit du pèlerin qui est en train de cheminer. Ah, oui. Parce que on peut cheminer, mais si on n'est pas disponible à un vrai bon cheminement, on n'atteindra jamais notre jardin merveilleux. Alors, pour moi, ce cheminement, de quel cheminement parlons-nous ? Eh bien, peut-être d'une voie pour se connecter au sacré. car dans ce pèlerinage vers le sacré, le cheminement est tellement plus important que le but. Le chemin est plus important que le but. Le but, bon, bah, une fois qu'on y est, on y est, quoi. On a gagné. Mais le fait de se remettre en question pour atteindre ce but, voilà une perspective qui me paraît intéressante. Autre réflexion, nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. L'aube étant peut-être cette lumière vers laquelle on va, mais il faut déjà passer par la nuit. Et cette nuit peut être assimilée au moyen que nous avons de se défaire de notre gang de matérialité, de se dépouiller de notre ego pour aller à la conquête de notre vrai nous-mêmes. Il faut que nous soyons dans notre centre pour aller de l'avant, quoi. Sinon on recule. Ce cheminement, c'est peut-être aussi la voie du vrai djihad, le djihad des musulmans, pas celui que vous entendez à la radio ou à la télévision, mais ce djihad qui est la guerre de soi-même contre soi-même. Ça, c'est un vrai combat contre soi, mais qui va contribuer à nous épurer pour rejoindre notre jardin. Ce n'est pas en contemplant la lumière que l'on devient lumineux. Non. Mais en portant sur son regard sur sa propre obscurité, ce qui est beaucoup plus impopulaire, parce que beaucoup plus difficile. C'est Carl Jung qui nous dit ça. Ce n'est pas en contemplant la lumière que l'on devient lumineux, mais en portant son regard sur sa propre obscurité, ce qui est beaucoup plus impopulaire, parce que beaucoup plus difficile. On est toujours dans ce retournement de soi-même sur soi-même. Hein ? Le cheminement spirituel nous demande donc du courage, beaucoup de courage, afin d'accepter de porter sur soi un regard authentique et rempli d'humilité. Ça aussi, ça contribue à notre façon d'être pour rejoindre le sacré. Apprendre à s'aimer soi-même. Voilà une autre voie. Apprendre la bienveillance envers soi-même pour lever toutes les zones d'ombre qui existent en nous. Ainsi, nous pourrons découvrir cet être de lumière qui sommeille chez chacun de nous. Nous avons en nous-mêmes, au tréfonds de nous-mêmes, et c'est peut-être une chose qui sera intéressante à travailler, c'est une démarche que les alchimistes, dans le sens noble de la démarche, ont utilisé pour se mettre en contact avec la lumière, avec la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est cette lumière recherchée par les alchimistes et bien d'autres, qui va, dans un cheminement profond, mettre l'individu face à lui pour qu'il prenne conscience à la fois de cette lumière, mais que c'est un être glorieux. Et il faut être dans un état de gloire pour rejoindre le Christ, pour rejoindre la lumière. Une dernière petite note. À aucun moment, lors de notre cheminement, il ne faudra se retourner. Faute de tomber dans le vide, sur ce chemin de crête très étroit. Ainsi, il nous faut faire le deuil de notre passé pour renaître au présent sur le chemin, puis au futur dans notre jardin personnel. Car le jardin, c'est nous. C'est nous qu'il nous faut magnifier pour atteindre le merveilleux. Voilà les quelques petites réflexions de cette semaine que je voulais partager avec vous. Mais encore une fois, je ne me suis pas attardé sur le cheminement lui-même, mais plutôt sur la posture noble que nous devons avoir pour cheminer de bonne façon. Nous avons de multiples exemples, notamment chez Chrétien de Troyes, lorsqu'il nous parle du Saint Graal et de tous ces chevaliers qui vont à la conquête de ce Saint Graal, sans jamais le rencontrer. Sauf un, mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous remercie de votre écoute. C'est beau, c'est magnifique. Et c'est dense. Ça me parle beaucoup. Dans sa totalité. Alors moi, ce que je vois, ce qui est très bien, c'est que je vois tout à fait la liaison que je vais faire entre les deux. que j'ai préparé, un peu comme si je connaissais ce que vous alliez dire. C'est assez marrant quand même. Bon. Alors, pour Claude, il y aura sans doute des questions qui se poseront quand je vais réécouter et quand je vais relire les notes que j'ai, parce que c'est vrai que c'est super dense. Bon, il y a des choses auxquelles je m'attendais, ça, il n'y avait pas de... Depuis le temps que tu nous le dis, hein, le faire le deuil du passé, etc. Bon, ne pas se retourner, on le sait, ça, ce sont des recommandations... En référence à la femme de Lot qui se retourne alors qu'elle ne devrait pas... Voilà, et puis qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas bon pour... Voilà. Il y a pas mal de références en la matière. Alors, vous allez voir que la première partie que j'ai vue, c'était... J'ai cherché déjà des... j'ai mal dormi cette nuit à cause de ça. C'est-à-dire, quand je dis mal dormi, c'est-à-dire que, en fait, je suis en méditation pendant un bon moment, et ça se fait un peu au détriment du sommeil, parce que sans ça, c'est une méditation qui est vouée à l'échec. Voilà. Et en fait, il y a une chose qui m'est revenue, pas mal, c'était les récits de guérison d'aveugles dans la Bible. J'ai déjà pensé au niveau du chemin d'édification et de rédemption à Saint-Jacques de Compostelle, qui est très connu, que beaucoup pratiquent, sans véritablement nécessité d'avoir la foi, puisque j'ai des amis qui l'ont fait, sans qu'ils croient en quoi que ce soit. Donc, c'est que dans leur cheminement, il fallait qu'ils passent par là. Je ne sais pas où est... Ils ont trouvé ça très chouette, mais en fait, ils ne sont pas plus pour autant revenus croyants. Donc, on ne sait pas trop. Et puis, ces fameuses guérisons d'aveugles. Pourquoi les aveugles? Parce que notre civilisation est essentiellement tournée vers les apparences, avec en plus maintenant son explosion vers le virtuel. Tout est dans les yeux. On en prend plein la vue. On peut voir du virtuel, mais peut-on sentir du virtuel, toucher du virtuel, entendre du virtuel? Alors peut-être les voix, les fausses voix, là, en voix enregistrées pour entendre, mais dans le reste, c'est très très difficile. Ça ne marche pas. Et alors j'ai commencé à rechercher un petit peu concernant les aveugles, et un propos de Jésus, là, Matthieu 15, 14, à propos des pharisiens scandalisés par les miracles qu'ils faisaient, et il dit « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. » Bon, c'est pas très réjouissant pour ceux qui se laissent prendre à ce jeu, c'est-à-dire à ceux qui parlent avec autorité, qui parlent bien, au nom de on ne sait pas trop quoi, mais qui parlent bien, et donc qui savent convaincre. Malheureusement, pour ceux qui les écoutent, c'est mal parti. Les guérisons, Jésus les fait toujours en rapport à la foi. C'est pas lui qui guérit, c'est selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi. Il y a une chose qui m'a frappé dans tout ça, et qu'on voit dans l'ensemble des évangiles, c'est que Jésus est toujours en chemin. Il est toujours en train de marcher. Il avance. Ça me fait penser aussi à Gandhi. Il était toujours en train de marcher. On le voit tout aussi, Martin Luther King, en train de marcher. En fait, il parcourt des territoires à la rencontre des gens. Ce ne sont pas les gens forcément qui viennent le voir, mais lui, il va à la rencontre. Il n'y a donc pas de discrimination par le pouvoir et les moyens de se déplacer. Il est en marche. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé. Et je me suis posé la question, pour moi, pour nous, serait-ce un appel à marcher et à faire les choses en marchant? Alors, dans les guérisons d'aveugles, on a Matthieu 9, 27-31, deux aveugles, à qui il dit « qu'il soit fait selon votre foi ». Et dans Luc 18 et Marc 10, la guérison de l'aveugle Bartimée, « recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». Et ensuite, il suit Jésus. Et enfin, l'évangile selon Jean, qu'aime bien Claude, qui me l'a dit, pour l'aveugle naissance à Bethsaïda, où là, en fait, Jésus crache par terre, fait de la boue avec sa salive, l'applique sur les yeux et lui dit « va te laver à la fontaine de Siloé ». Et c'est ce qu'il fait, et il recouvre la vue là-bas. Mais dans Marc, c'est écrit de façon différente. Et en plus, Jésus s'y reprend à deux fois. Il lui impose les mains. La première fois, il continue à voir, mais il voit trouble. Il lui remet les mains sur les yeux, et enfin, l'aveugle vit tout distinctement. C'est assez étonnant, ça. Alors, de là, en fait, là-dedans, c'était le côté de la vue il m'avait frappé. Et de là, au cheminement, donc, vers le jardin merveilleux. Et là, dans le cheminement, est-ce que vous avez tous la possibilité, tous les deux, la possibilité de remettre le tableau « Recherche de liberté » de Jean-Marc Simon ? Parce qu'en fait, j'ai deux commentaires à faire dessus, justement. Je te l'ai envoyé, Rodrigue ? Non, c'est pas. Alors, attends. Je vais le faire. Je lui envoie. Tu lui envoies, là, Claude ? Ouais, je le fais. Ça marche. Comme ça, on va pouvoir avoir ça sous les yeux. Voilà, moi, je l'ai sous les yeux. Je vais refermer un peu là. Voilà, je le mets sur le côté. Moi, je l'ai en version légère, hein, Claude, parce que toi, ce que tu m'as envoyé, elle a fait 4 mégas, c'est monstrueux. Mais non, c'est pas monstrueux. Nous sommes au 21e siècle, à l'aube de la 6G. déjà la 5G qui, à mon avis, va jeter un sacré bazar. On va voir. Hein. Alors, attends, je le cherche. Sans ça, je l'avais. Hein. Moi, je l'ai là. Je le trouve. Je le trouve. Le voilà. Quel c'est ? Recherche de liberté. Tu l'as, puisque tu parles de la recherche de la liberté. Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah, c'est toi qui l'as dit. Alors attends, parce que je le vois là, et puis je le vois plus. Ah, si, il est peut-être là. Ah. Eh bien, écoute, envoie-le. Si ça ne marche pas, je peux partager l'écran. Envoie-le, parce que j'ai un triptyque de 3 photos. Alors, d'accord. Toi qui te plains. Alors. Prendre une capture désactivée, activer les sous-titres, paramètres, mettre l'appel en attente. Non. Alors. Tu vas sur la photo, tu cliques dessus et tu fais envoyer. Alors, réagir, partager l'écran, conversation, voilà, envoyer un document, ajouter des fichiers, hop. Le problème, c'est qu'il faut gérer. Il y a toujours les photos de Skype qui apparaissent un peu partout. Là. Je l'ai trouvé, ça va, je vais lui envoyer, je l'ai retrouvé. Ah. Allez. Tu as reçu quelque chose, Rodrigue ? Attends, je lui envoie, Rodrigue. Je lui envoie. Partager. Courrier. Je ne sais pas si ça va marcher avec Rodrigue. Parce que je suis un peu fâché. Mais on va le trouver. Voilà. Je viens de l'envoyer. Ah, tu l'as fait ? Je viens de l'envoyer, là. Ah, ben je vais lui en envoyer un plus beau. Et puis comme il a du réseau, lui... Il pourra le voir encore mieux. Ah, formidable. Ça va venir. Tu l'as ? Oui, je vais tenir pour ce petit problème technique ici. Sans ça, je peux partager mon écran et du coup, vous l'avez. Parce que je l'ai ouvert aussi. Non, mais ça va aller. Ah, voilà, je l'ai reçu. Merci ça y est, super. Magnifique. Voilà. Waouh. Alors, le commentaire. Voilà. Dans le tableau, alors j'avais fait un super commentaire déjà lorsqu'on avait parlé du jardin. C'est Claude qui m'avait envoyé cette photo qu'il avait prise, photo d'un triptyque. Et on avait parlé de jardin merveilleux, prémisse du jardin d'Éden. Non, donc, c'était le contraire. Jardin d'Éden, prémisse du jardin merveilleux. C'est bien. Et alors, plusieurs choses. Et j'avais fait le descriptif, il y avait pas mal de choses dedans, et j'ai encore découvert quelque chose qui est intéressant, justement, dans cette affaire de cheminement. Alors, dans le tableau du milieu, on a donc les deux personnages, en jaune, qui se réjouissent, et puis on a la muraille avec une porte entrouverte. Et alors que dans le bas, on a une muraille qui est rigoureusement devant nous, la muraille du milieu est une muraille en 3D. C'est-à-dire qu'elle a des renfoncements, il y a du chemin à parcourir pour aller vers la muraille. Et en parcourant ce chemin, on s'aperçoit bien que les personnages au pied de la muraille, ils sont trop petits pour apercevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc en fait, on ne peut voir ce jardin merveilleux, dans cette luxuriance, que lorsqu'on est de loin et avec une vue un peu plus plongeante. Ceux qui sont en bas, en fait, ils ne voient plus rien. Et c'est vrai que quand on avance, plus on a la perspective de ce mur qui devient monstrueuse et qui nous cache ce jardin merveilleux. Ça veut dire qu'en fait... Le parcours qu'il y a à faire vers cette porte, plus on marche, plus c'est un parcours de foi, parce qu'on ne voit plus. On ne voit plus ce jardin qui est derrière. On l'a vu, on sait qu'il y est, mais on ne le voit plus. Autre chose, et là-dedans, en fait, ça fait référence au jardin de Saint-Goustan. Tu es loin, Claude, depuis ton balcon, tu le vois dans son intégralité. Mais par contre, quand on vient au pied, on est au pied de la falaise et on ne voit rien. On ne voit que, en fait, des ronces qui descendent depuis le haut. C'est assez marrant. Donc, en fait, tu n'en vois... en haut, tu n'en vois qu'une partie et en bas, tu n'en vois presque rien. Ça m'a fait un clin d'œil, ce truc-là. Alors, je faisais remarquer par ailleurs que le tableau d'en bas, le mur est bien devant nous, il n'a aucun relief. En fait, on a l'impression que c'est une barrière. Et pourtant, la barrière est facile à franchir parce que les portes sont ouvertes. Alors que la porte est entrouverte, on en a déjà un peu parlé, hein, au milieu, la porte est entrouverte. Ça veut dire qu'il y a quand même une démarche pour pouvoir... Hein, tu parlais d'un rite de passage. En bas, il n'y a pas de rite. C'est une facilité assez déconcertante de pouvoir se retrouver dans la zone rouge qui est juste derrière le, qui est juste derrière la muraille. Le rempart du milieu révèle des profondeurs différentes, invitant à avancer, montrant qu'il y a du chemin à parcourir pour passer la porte, que l'on peut aussi s'égarer. Il y a des coins, quand on regarde dans ce tableau, à droite, là, il y a un super renfoncement, mais qui n'a aucune porte au bout. Donc, on peut, en fait, on peut se planter. Oui. Oui. Donc, et plus on avance, moins on voit le jardin qui est derrière la muraille. Si on reste dans cette perspective 3D qui est la nôtre, uniquement, en fait, spatiale. Mais alors, comment se diriger ? Alors, on regarde le tableau du bas, qui est aussi assez fantastique. J'en avais fait avec j'avais fait remarquer que les personnages qui montent à gauche, ils n'avaient beaucoup plus qui levaient les bras au ciel que les personnages à droite. Bon. Alors, cet escalier, il est dessiné comme s'éloignant vers le fond. Sans ça, on ne le verrait pas. Donc, en fait, il part un peu du pied de l'arbre et il s'en va vers le fond. Ce n'est pas une échelle, c'est un escalier. Donc forcément, il faut que ça en aille quelque part. Et vu la perspective que l'on a, il s'en va vers le fond. Et pourtant, les personnages sont grandissants du bas vers le haut. Ils sont censés, en fait, être de plus en plus petits parce qu'ils s'éloignent, mais ils sont plus grands en haut qu'en bas. Et l'escalier est aussi de plus en plus large au fur et à mesure qu'on monte, alors qu'il s'éloigne vers l'horizon. Donc, en termes de construction, un escalier petit en bas et grand en haut ne peut tenir, et là je fais référence à notre premier échange thématique avec Claude, que s'il est en partie suspendu ou en totalité suspendu par le haut. Un peu comme les pyramides inversées. Ça ne peut pas tenir comme ça. Enfin, y a un équilibre, mais qu'on a énormément de mal à trouver. Et donc, ça nous ramène au chapitre 1 de nos échanges avec Claude. Et ça, j'ai dit, ça y est. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça y est, la boucle est bouclée 2020. On a fait un tour, et un tour qui justifie, en fait, tous les épisodes que l'on a fait, et dans lesquels, maintenant, tu rentres, Roderick. Impressionnant, magnifique. Ce tableau, j'ai pas fini de le regarder. Il est quand même... Il y a des choses, en fait, qui apparaissent en le regardant, c'est fantastique. Hein. Bon, il faudra que je t'envoie, de toute façon, Roderick, tu ne l'as pas, le podcast, justement, sur... sur le jardin... Ah oui. Il a... Roderick a accès à tous les podcasts, non ? Ah bon, bah alors c'est bon. Je sais tout. Oui. Alors c'est bon. Voilà, bon. Donc tu as toute la description de ce tableau. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu là sur ce que tu viens de nous dire. Si tu regardes bien ce triptyque, tu t'aperçois qu'il y en a... Il y a des petits personnages qui montent et puis d'autres qui redescendent. Hein? Ou qui marchent en arrière, quoi. Bon. Qui hésite, là, en fait. Ouais, qui hésite. Ouais, ouais. Je pense que tu as également, dans ce renfoncement, mais là, je passe à l'étage au-dessus, pense que dans le renfoncement qui n'a pas de porte... que tu évoquais, eh bien, il y a un magnifique symbole qui... Ah, attendez, j'ai des jardiniers qui ont oublié mes instructions. Bon, pourtant, je leur avais dit, après 3 heures, non ? Eh bien, voilà. Bien, alors, on va essayer de parler un peu plus fort pour s'entendre. C'est bon, on entend bien. Ah oui, il a peut-être oublié que... Ça durait un peu plus longtemps. Bon, donc, oui, ce magnifique symbole sur lequel on pourra travailler et qui est un vrai cheminement, qui demande une véritable ascèse. Moi, j'aimerais qu'on en parle de l'ascèse. C'est le labyrinthe. c'est le labyrinthe avec ses renfoncements sans porte pour eh bien, nous amener à nous retourner sur nous-mêmes, toujours pareil, pour se ressaisir et reprendre des forces pour aller vers la lumière. Tu nous as parlé, Philippe, de ces grands sages de l'humanité, que peuvent être le Christ, que peuvent être Gandhi, que peuvent être Martin Luther King, qui effectivement drainaient derrière eux des foules immenses, alors qu'ils marchaient, et ils marchaient vite, hein. Ils marchaient même très vite, et tout du moins dans les représentations qu'on nous a soumises. Et cette marche accélérée, eh bien moi je la mettrais sur le compte de la foi. Cette foi effectivement que seuls les aveugles peuvent voir. Cette foi qui meut les aveugles. Et nous sommes tous aveugles. C'est bien ça dont il faut parler. Hein, on s'engage sur un chemin, mais on est atteint d'une certaine cécité. Et il est important d'en être bien conscient pour nous métamorphoser dans un parcours vers le divin. Et moi, je crois qu'il faut travailler ces questions-là. Qu'est-ce que j'avais noté? Appel à marcher, triptyque, parcours de foi, ouais. Voilà. Ah oui, les guérisons faites selon la foi. Alors, qui est-ce qui guérit selon la foi? Et qui sont ces malades? Est-ce que c'est les malades qui guérissent de la cécité? Est-ce que c'est celui qui commence à voir et qui guérit par sa propre foi? Voilà, ça c'est des questions qui me paraissent intéressantes à se poser. Oui, moi ce qui m'avait surtout fasciné, c'est que on est dans une autre dimension. En fait, ça invite, ce tableau invite à une autre dimension. Parce que justement, les dimensions traditionnelles telles qu'on les connaît actuellement dans notre civilisation, ben, en fait, elles sont mises en défaut là-dessus. Ou alors, on est obligé de s'appuyer sur autre chose, tout simplement. On s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Voilà. Donc là, moi, je pense qu'on est bien, dans ce chemin-là, et que c'est bien un chemin où l'esprit en doit être présent. Voilà. Sans esprit, on ne peut pas voir ces choses-là. Ça invite en fait à quelque chose qui n'est pas de notre création, tout simplement. On ne sait pas créer des escaliers comme ça. On ne sait pas créer des perspectives où les gens, plus ils s'éloignent, plus ils sont grands. C'est assez marrant. Ouais, mais cet escalier comme ça, ce début d'escalier hélicoïdal, je dis bien, c'est un début. Moi, ça me fait penser à notre ADN. Ça me fait penser au début de notre ADN, ça me fait penser à ce nous-mêmes dans son essence. Et dans son essence, et de cette nécessité que nous avons à retourner au début, à retourner à notre début, à notre point originel. Et on a besoin dans notre cheminement, on a besoin d'aller d'un point A à un point B. Ce point A, on a du mal à le définir, puisque si je vois bien, on a travaillé là-dessus pendant une heure, et on a fait qu'effleurer les contours de notre point de départ. Mais je crois qu'il faut absolument que l'on se mette dans un état d'esprit tel qu'il nous permette d'envisager un vrai cheminement. Et cet état d'esprit, c'est un peu la démarche que découvrent les pèlerins quand ils quittent leur première, lors de la première étape, ils vont se dépouiller pour aller jusqu'au bout de leur démarche. Et je crois que le pèlerinage en lui-même est un cheminement formidable et je pense qu'il serait intéressant de travailler dessus. Je pense. Voilà ma suggestion. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de marcher, ça c'est clair. Dire, tiens, c'est vrai qu'on parlait du Jardin Merveilleux à Saint-Goustan, c'est un lieu. Mais en fait, pour y aller, il faut marcher. Et à l'intérieur, il faudra marcher. Et non seulement marcher, mais monter. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Et là, j'étais presque à m'imaginer en train de dire, bon, voilà, hop, je prends mon bâton et puis on y va. Là, je pense qu'avec ce qu'on vient d'échanger, il y a beaucoup à méditer et c'est bien que ça soit le temps de Noël, justement, pour le faire. Parce que ce cheminement pour aller vers le jardin, c'est super important. Et le cheminement dans le jardin, il va être important, mais moi, je ne sais pas dans quelle mesure, en fait. Alors que le cheminement vers le jardin, je le vois beaucoup mieux. Parce que, en fait, c'est la question que tous les gens qui sont venus à moi dans ce jardin merveilleux, c'est la question qu'ils se posent. Ce n'est pas tellement le jardin en lui-même. Ceux qui se posent la question uniquement du jardin, c'est en mode botanique ou en mode maraîchage. Et par contre, merveilleux, ça, la question se pose, c'est est-ce que je suis capable de marcher vers le merveilleux? Est-ce que je serai capable de marcher vers le merveilleux? Et en fait, ils se posent tous cette question. Là, j'ai vu avec... ce matin, j'avais Daniel en ligne pendant une heure et demie. Elle se pose cette question. Les correspondants étrangers avec lesquels je converse, ils se posent aussi tous cette question. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que... comment on va faire? Voilà. Mais bien sûr qu'on est capable. Mais il faut se préparer. Il faut avoir un état d'esprit qui nous permettent de décroître nos forces, de faire croître nos forces plutôt, et notre esprit. Il faut quitter cette matière qui nous environne et qui nous plombe pour rejoindre l'esprit, et le monde de l'esprit nous amènera invariablement au merveilleux, au sacré, au divin. C'est là que ça se passe, quoi. Mais faut-il encore s'habiller de bonne façon? C'est un petit peu les propos que je vous tenais tout à l'heure, qui étaient plus... c'est, la marche, c'est un fait. La marche, c'est la possibilité de passer d'un état d'équilibre à un état de déséquilibre, et un état d'équilibre à un état de déséquilibre. Et la marche ne peut être que ne peut engendrer qu'un déséquilibre. Mais il faut savoir retomber sur ses deux pieds. Donc, si on prend la bonne posture pour marcher de bonne façon, je vous garantis qu'on va le trouver, notre jardin. Je vous le garantis. C'est pour ça... comment dirais-je, Philippe, que je te disais, fais attention, si tu veux ramener quelqu'un dans le cercle, eh bien, il faut qu'il ait appris à marcher. Et pour que nous puissions apprendre à marcher aux autres, eh bien, il faut déjà savoir marcher soi-même. Et marcher soi-même, eh bien, c'est s'habiller, c'est se chausser, c'est rentrer dans l'esprit de, du pèlerin qui va cheminer et cheminant va se grandir, va grandir avec son chemin. Voilà, c'est tout un état d'esprit et ça demande quand même beaucoup d'attention, beaucoup de réflexion, beaucoup de... Beaucoup de réflexion. Ouais, beaucoup de réflexion et beaucoup d'abnégation. Il faut être capable, et là, Philippe, il faut être capable de sortir de notre matérialité et d'essayer de comprendre que ce cheminement, il ne peut se faire qu'à cette condition. Et lorsque tu nous ramènes au tableau, tu ramènes à une certaine vision, à une certaine vision qui n'est pas la tienne, mais c'est une vision que tu épouses, parce que ça peut être un bon chemin, mais c'est ta vision à toi qui est importante, et non plus celle des autres. C'est ta capacité à toi à te remettre en cause pour aller vers le sacré, pour aller vers la lumière. C'est ta capacité à toi de passer la nuit et de passer des nuits et des nuits en méditation pour te sortir de là et te réveiller le matin en disant « Eureka !» quoi. Oui. Alors, il y a juste un... Comme tu en avais parlé, bon, on est à combien là ? 15:55, ok. Quand tu dis il faut faire le, quand tu dis il faut faire le deuil, je reviens un petit peu à ton début. Tout à fait. Il faut faire le deuil de notre vie passée. Quand tu te, je vais le faire pour moi. Quand je me mets en contact avec des personnes qui sont intéressées par le jardin merveilleux. Ce sont des personnes, comme vous et moi, qui vivent avec rente ou salaire, avec travail, qui ont une famille, et donc qui vivent dans un contexte qui est celui de ma vie d'avant et celui de ma vie d'aujourd'hui aussi, puisque en fait je suis passé d'un salariat à une rente de retraite. Bon, ceci étant... Il y a une chanson qui me vient à l'esprit, qui est très bien et qui donne quelques baffes au passage. C'est la chanson de... comment il s'appelle ? Goldman, qui s'appelle « On ira ».« On ira ». Et alors il parle de « Oh belle, on y va, on ira ». Et mais dedans, en fait, c'est plein de remises en question. On jettera nos cartes et nos codes, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'on est capable de faire ça ? Est-ce que moi, je suis capable de faire ça ? Est-ce que moi et ma femme, on est capable de faire ça ? Est-ce que vous, vous êtes capable de faire ça ? C'est-à-dire, en fait, de remettre une vie que tu... dont il faudrait faire le deuil. Quand j'écoutais ce matin Daniel, je voyais dans ses difficultés passées, parce qu'elle m'a raconté un peu son périple, et bien les miennes, tout simplement. Et si je fais le deuil de mes difficultés, comment veux-tu que je comprenne celles des autres ? Eh bien, dès que tu auras terminé, dès que tu auras fait ton deuil, tu vas t'ouvrir aux autres. Tu vas être dans une grande disponibilité pour les autres puisque tu auras fait abandon de cette gangue de matérialité qui te plombe. Ouvre-toi. Et pour t'ouvrir, eh bien, il faut faire le deuil du passé. Et il faut se construire un avenir. Et bien sûr que c'est notre combat du quotidien. C'est pas innocemment que je parle du djihad des musulmans. C'est dans les fondements du Coran que tu trouves cette attitude d'esprit. Mais le Christ te l'a donné. T'a ouvert cette voie. Gandhi t'a ouvert cette voie. Martin Luther King, je suis pas assez. Je connais mal son message. Mais c'est l'abandon de soi pour s'offrir aux autres en partage, Philippe. L'abandon de soi pour s'ouvrir aux autres en partage. c'est la démarche du Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité et pour la rédemption de l'humanité. Mais c'est l'abandon de soi. C'est ce sacrifice, ce parcours sacrificiel. Je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure, mais là, tu me lances une telle perche que... ce parcours sacrificiel qui est absolument indispensable pour chacun de nous, pour se métamorphoser vers la lumière, vers le sacré. Mais c'est dur. Mais c'est compliqué. C'est pour ça que c'est un apprentissage et c'est ce pourquoi je t'alertais sur la nécessité de mettre un pied devant l'autre, quoi. Parce que c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Mais oui. Moi, j'ai pas l'impression de parler au futur là-dedans, c'est-à-dire ce parcours sacrificiel, en fait, il est en train de se faire. Ouais. Il est en train de se faire justement par ce partage. Et ce partage, il a commencé. Et c'est un peu ce que nous disait tout à l'heure Roderick lorsqu'il nous disait, je reprends mes notes, hein, c'est un parcours de vie qui se finalise en pleine sérénité. Alors, effectivement, la vie au quotidien nous érode, nous corrige, nous amène à cette rectitude nécessaire pour aller vers ce point sacré. Et effectivement, quand tu dis, Philippe, que tu n'as pas l'impression que les choses se font quotidiennement, mais bien sûr qu'elles se font quotidiennement, mais si elles se font en pleine conscience, et c'est ça le chemin que je vois pour moi, c'est que si je fais les choses en pleine conscience, si je change de champ de conscience, si je me rapproche de l'autre, eh bien, je vais gagner sur moi-même, mais je vais gagner aussi vers l'autre. L'autre, il va rentrer dans tout ça. Il va rentrer dans ce monde formidable que certains appellent le jardin merveilleux, d'autres trouvent d'autres noms, mais c'est là où les choses vont se passer. Mais c'est le cheminement, encore une fois, qu'il nous faut bien maîtriser, et on va se grandir, et on va se grandir ensemble. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, pas de prix, ça. Ça, c'est magnifique. Oui. Mm-hmm. On se fixe quelque chose ou parce Allez, que là, c'est bien sûr. Bien sûr. On doit se fixer deux choses, une date et un thème. Oui. Ouais. Désolé de perturber ce super discours. Mais qu'est-ce que vous... Je ne connais pas vos disponibilités, mais on peut se dire la même heure la semaine prochaine ou... Moi, non. Oui, j'ai cru comprendre que moi, à partir de mercredi, c'est un peu difficile. Je peux mardi, mardi après-midi, mais c'est un peu court. Mais à voir. C'est court pour travailler. C'est court pour travailler, mais on peut... Tu dis mardi Mardi Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Roderick, ça te va, mardi, 15h? Ouais. Ou moi, c'est tout fait ouvert le mardi, alors ça m'irait très bien. Bon, alors. Alors, c'est le mardi 15. Le mardi 15. 15, jardin merveilleux. Mais on travaille sur quoi? Moi, ce que je vous propose, on va continuer. On s'est dit des choses passionnantes aujourd'hui. Passionnantes. Très bien. Et par contre. Faudrait les mettre un peu en forme pour les rendre plus compréhensibles par les uns et par les autres. on s'est passé des messages un petit peu virtuels et un peu subtils. Est-ce qu'on pourrait essayer d'être un peu plus terre à terre sur notre cheminement? Un mode d'emploi. Très bien. Un mode d'emploi, tu dis? Un mode d'emploi du cheminement. Ouais, ça me paraît bien, ça. Un mode d'emploi du cheminement. Ouais. Allez. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Oui, tout à fait. Ça va permettre de faire un peu la synthèse de ce qu'on a échangé. Déjà. Voilà, et puis ça nous laisse un petit peu de temps. Ouais, c'est bien ça. Bon, eh ben, écoutez, c'est super notre truc, encore une fois. Hein. Ça fonctionne, notre affaire. Ça fonctionne, notre cheminement vers le jardin merveilleux. À 15h. Top. Voilà. Bon, ben ok, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Rodrigue, tu vas pouvoir rejoindre ton autre réunion. Encore une fois, je suis désolé pour ça. Mais c'est pas grave. Mais non. Mais ça me perturbe beaucoup puisque je voulais tellement continuer. Enfin, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, Rodrigue. Dis-toi une chose, c'est que plus le temps va se rétracter, plus on va devoir être dense. Et plus on est dense, plus on est au tréfonds de soi-même, et on est au top, quoi. On est au top. Et l'égrégore, tiens, parlons-en de l'égrégore, mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Merci, magnifique. Merci beaucoup pour vos paroles inspirantes et intrigante aussi, et puis... Ah, t'es intrigué. Tu nous raconteras ton intrigue, ou ton intrigation, ou ton... ce que tu veux. Alors, raconte-nous ça. Ça, c'est intéressant. En termes d'expérience personnelle, si tu veux, de nous faire le retour de la situation dans laquelle tu es, dans cette intrigue, dans ce grand point d'interrogation, et où est-ce que tu te situes à ce moment-là, et comment tu te situes, et puis nous, on va venir abonder, tu vas voir, ça va, ah ouais. Ça va pulser. Excellent. Salut. Ça marche. Voilà. Il y a du boulot, mais c'est excellent, c'est parfait. Allez, okay. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Claude. Au revoir.